Carrefour et leur drive, profitez de 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat avec votre carte Carrefour sur tous les foie gras et saumon fumé. Vos magasins sont ouverts dimanche toute la journée. Carrefour. Offre limitée à 90 euros d'achat. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. C'est Claudio Capéo. Vous aimez bien l'esprit de Noël. Hein. Oui. Nous aussi. Alors mes enfants chéris, d'abord lundi c'est mon camarade Jérôme Chapuis qui vous accueillera avec toute l'équipe de la matinale pour cette semaine de Noël. Merci à l'équipe de laisser vous tenter. Et voici venir Monsieur Julien Courbet. Bonjour Julien. Bonjour. Et d'ailleurs Monsieur Chapuis est content que vous ayez l'esprit de Noël en lui refilant la semaine. Ça lui fait très plaisir. Cet oui, il est ravi. C'est oui, un beau absolument. Cadeau que vous lui faites. Il est content et il vous remercie. Mais non, vous traitez ça avec ironie. Vous avez tort. J'ai quitté ce matin un homme radieux, resplendissant, oui. Soyé. Il rutilait. Bon, il rutilait. Ah, oui, à l'idée de faire sa semaine de Noël à l'antenne. Je vous souhaite matin. De bonnes fêtes, pas d'excès quand même. Non, non. Et vous serez là la semaine prochaine, Julien? Je serai là. Non, ce n'est pas moi, figurez-vous. Ah. Moi, je voulais, mais on m'a mis dehors. Oui. C'est Bruno Guillon qui sera là toute la semaine. Ah, voilà. Bienvenue, Bruno. Et voilà. Donc, nous, on se retrouve en 2019. Voilà, moi, ça me convient tout à fait. Il sera avec Mme Diamant? Pardon? Oui. Il sera avec Mme Diamant? Je ne sais pas s'il sera avec Marie Diamant. Oui, Mme Diamant. Mme Diamant. Voilà, nous, on revient le 31 exactement. Quelqu'un fait non avec la main. Je ne sais même plus qui parle. Je ne sais même plus. Là, vous savez, quoi ? On vous embrasse et on vous écoute. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, en plus, on va essayer de régler tous les cas qui n'ont pas été réglés en 2010. Ah bah mes enfants, c'est pas fini cette histoire. Effectivement. Allez, c'est parti. Bonne année. Salut. Nous démarrons avec... Alors, je vais pas vous dire tout ce qu'on va faire. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, on a plein de cas qui n'ont pas forcément avancé. 80% des cas sont réglés dans l'émission, mais il y a 20% des cas qui, parfois, sont un petit peu plus compliqués. Nous allons revenir sur tout ce qui est bloqué en 2018 et relancer les appels. Donc, je vous présente tout de suite l'équipe de Noël, puisqu'il y a Maître Felono qui est là. Il y a Hervé et Bernard, toutes les équipes d'Alain Hazard, Xavier Kassovitch. On va essayer de fêter Noël en réglant vos problèmes. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire sur RTL. Happy holidays. Happy holidays. Happy holidays. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nous aider en appelant en direct le 3210 ou pour passer pour la prochaine émission qui aura lieu donc le 31 pour cela. 50 centimes d'euros la minute, le 3210. Bien sûr, ou Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou encore RTL.fr. Si tu t'es fait arnaquer, pas la peine de paniquer. Et revoici Eric, passé le 23 novembre sur l'antenne d'RTL. Et écoutez bien ce que Eric nous avait dit sur RTL ce jour-là. Je vous appelle de Belgique. Nous avons versé 2280 euros d'acompte à une entreprise française pour le transport de notre bateau entre la Belgique et la France. Le problème, c'est que la prestation n'a jamais été effectuée. Donc vous vous rappelez, Maître Felono, des tenants et des aboutissants de cette histoire ? Alors tout à fait, nous avions eu le transporteur qui nous avait dit « mais c'est de la faute d'Eric parce qu'il a modifié sa date, il n'était pas disponible ». Et résultat, moi j'ai fait des tas de démarches pour pouvoir grouper mes envois. Il faut, on ne transporte pas un bateau comme on transporte une caisse de vin. Et donc c'est à cause de lui que je n'ai pas pu faire la prestation. Et donc je garde la compte et je vous envoie la preuve que c'est de la faute d'Eric qui a annulé tout le travail que j'avais fait. On attendait que le patron de VB Logistique envoie le mail censé démontrer qu'Eric avait demandé à changer de date, mais aussi un autre mail qui démontrait qu'Eric avait fait appel à un avocat, comme il avait été dit sur l'antenne. Écoutez bien. S'il peut juste nous envoyer le mail de Eric qui lui dit « je change la date », avant qu'on arrive au 29 août, hein, au mois de juillet, ça serait formidable. Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous, Monsieur Buffat ? Oui, on devrait, oui, bien sûr. Alors, on va demander tout de suite maintenant à Céline, qu'en est-il ? Alors, on devrait, mais en fait, je n'ai pas eu de mail, figurez-vous. Mais par contre, j'ai eu Monsieur Buffat, le gérant de VB Logistique, au téléphone. Je lui ai reparlé rapidement de ce mail, il ne souhaitait pas me l'envoyer finalement. Ah. Et puis, il y avait un deuxième point. À l'antenne, il nous avait dit que notre auditeur avait pris un avocat pour se défendre. En fait, il n'en est rien, c'est un juriste, parce que Eric, notre auditeur, a fait appel à un organisme de défense des consommateurs. Et donc, un juriste a essayé d'obtenir gain de cause. Alors, où en est-on donc ce matin ? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Bon, ben nous allons rappeler ce monsieur, c'est parti. Charlotte, voyez, ça ne sert à rien de dire sur l'antenne, écoutez, ce monsieur a changé les dates, je fais la preuve, monsieur Courbet, mais je vais vous l'envoyer. Bon, on attend, puis on nous envoie rien. Donc on rappelle, on va voir ce qui se passe. Donc nous appelons la société VB Logistique, qui se trouve 675, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres VB Logistique, 675 avenue des Collines du Capitou. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez Elle n'est pas là, la personne qu'on essaie de joindre. C'est Monsieur Valentin Buffa. Alors, Monsieur Valentin Buffa, nous nous retrouverons donc soit d'ici la fin de l'émission, soit en 2019. Si j'insiste, c'est pour que vous puissiez nous donner votre version des faits. Je rappelle que sur l'antenne d'RTL, vous nous avez dit « Mais je vais vous envoyer un mail dans lequel votre auditeur... » Ah, apparemment, nous aurions une alerte, puisque Bernard Sabat serait en train de l'avoir. Alors, nous allons l'avoir, nous allons brancher le petit câble sur son téléphone, c'est parti. Allô, bonjour, Monsieur Buffa. Oui. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL, Monsieur Buffa. Oui. Monsieur Buffa, la dernière fois que l'on est passé sur RTL, voilà, je vous fais réécouter ce que vous nous aviez dit. Enfin, avec je vous un demandé. Chauffeur. Allez-y. S'il peut juste nous envoyer le mail de Eric qui lui dit « Je change la date avant qu'on arrive au 29 août, hein, au mois de juillet, ça serait formidable. » Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous, Monsieur Buffa ? Oui, on devrait, oui, bien sûr. Voilà, vous nous aviez dit « Il n'y a aucun souci, je vais vous emmener la preuve qu'il a changé la date et c'est pour ça que je n'ai pas pu livrer son bateau. » Vous ne m'écoutez pas. Ah, mais non, parce que j'étais en train d'écouter ça, allez-y. Je suis un de mes chauffeurs, je ne peux pas vous répondre. Ah, eh ben je vais vous rappeler un petit peu plus tard. À quelle heure puis-je vous répondre, Monsieur Buffa ? Ben, pas aujourd'hui, bon, parce que c'est la veille des fêtes et puis qu'on bosse, qu'on rattrape un mois qui a été très compliqué. D'accord. Bon, eh ben je vous rappelle en 2019, Monsieur Buffa. Voilà, très et on n'a toujours pas le mail qui prouve que notre auditeur, comme vous nous l'avez dit, a changé la date et que donc pour l'instant, c'est un client qui est bien embêté parce qu'il a l'impression de... qu'on l'a un petit peu baladé avec VB Logistique. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que moi je suis obligé de dire ça tant que vous ne nous avez pas envoyé. C'est pas le cas, mais je ne vais pas en discuter maintenant. Eh bien oui, je sais bien que vous n'avez pas envie d'en discuter, parce que ce n'est pas très agréable pour vous, monsieur, mais vous nous avez promis d'envoyer un mail avec une preuve. Non, vous inquiétez pas. Mais pourquoi vous n'envoyez pas le mail, monsieur Buffa, pourquoi vous n'envoyez pas le mail ? Dites-moi plutôt que vous ne l'avez pas. Vous faites de l'audimat. Oui, c'est vrai, beaucoup d'ailleurs. On est la première émission de France. Voilà. Vous vivez de ce genre de choses. De conneries, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas grave, ça. Monsieur, que l'émission ne vous plaise pas, monsieur VB Logistique, ce n'est pas très grave. Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est que vous expliquez pourquoi. Eric, quand il passe par vous, VB Logistique, n'a pas son bateau qui est livré. Quand je vous appelle, vous me dites « Mais il a changé la date ». Je dis « Mais comment vous le savez ?»« Mais j'ai un mail, monsieur Courbet. » »« Pas de souci, envoyez le mail, on arrête l'émission. » Et là, vous n'envoyez pas le mail. Et là, je vous appelle, vous êtes sur un chantier et vous me dites que je fais de l'audimat. Si vous voulez, mais je vous redemande, s'il vous plaît, pouvez-vous nous envoyer la preuve qu'il y en a un des deux qui ment. Soit c'est Eric, soit oui, c'est vous. C'est voilà. Oui, c'est certain. Alors, pourquoi vous n'envoyez pas le mail ? Comme ça, on dit que c'est Eric qui ment et on n'en parle plus. Monsieur Courbet, vous me rappellerez en 2019, quand je l'ai dit, je suis occupé, je viens de vous répondre, je vous ai quand même répondu. Oui, mais moi, je vous ai appelé le 23 novembre, pourquoi vous ne m'avez pas envoyé le mail depuis le 23 novembre ? Ça fait un mois. On vient de vivre un mois compliqué. Donc non, mais le 23 novembre, il n'y avait pas les gilets jaunes, monsieur. Le lendemain, vous auriez pu me l'envoyer. Le conseil de M. Pierson. Il n'a pas de conseil, monsieur. Non, il n'a pas d'avocat. Il n'a pas d'avocat. Il a un juriste qui lui a demandé conseil, c'est différent. Bon, alors en tout cas, mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, VB Logistique est incapable de nous dire, vous voyez que ce monsieur, si vous passez par lui, ben vous aurez le droit à cet accueil. Le mail, j'ai pas l'impression qu'il est, on va continuer. Néanmoins, on va peut-être donner le dossier à demander, oui, justice.com. Peut-être avez-vous vous-même contracté déjà avec VB Logistique, vous nous le dites, ça s'est bien passé, mal passé, mais aujourd'hui, ce monsieur est en train de dire que notre auditeur a changé la date, donc c'est pour ça qu'il lui a pas fait le transport de son bateau, mais il est incapable de nous en amener la preuve, Maître Félonet. Voilà, exactement. Alors moi, effectivement, je conseille à Eric de ne pas attendre 2019 les bras croisés, mais effectivement d'entamer les démarches pour saisir le tribunal. Rien n'empêche, je rappelle à tous les auditeurs, une fois qu'on a saisi le tribunal, de faire quand même un arrangement et d'arrêter les poursuites. Mais en tout cas, arrêtez de perdre du temps maintenant. Effectivement, vous avez dans votre dossier tous les documents qui justifient et qui fondent votre demande de remboursement d'acompte et vous allez les exprimer et les donner au tribunal qui prendra sa décision. Eric, on transmet votre dossier à demandejustice.com ? Oui, c'est super. C'est vraiment. Bon, on va faire ça. Vous aurez le timbre à payer, hein, c'est tout. Et puis on attend. Ceci étant dit, on rappellera en 2019, parce que là, il n'a pas de chance. Quand on l'a appelé la dernière fois, il nous a dit je vais vous envoyer le mail. Bon, pendant un mois, il n'a pas pu l'envoyer. Après, il y a eu les gilets jaunes, donc il n'a pas pu l'envoyer. Aujourd'hui, il est sur un chantier, donc il ne peut pas l'envoyer. Peut-être qu'en 2019, il pourra l'envoyer. Donc, Monsieur Valentin Buffa est le bienvenu et sera prioritaire pour passer sur l'antenne et nous dire ça. Et pour, concernant ce qu'il a dit, oui, nous sommes là pour faire de l'audience, nous sommes là pour vendre des transports de bateaux, nous sommes là pour aider les gens et faire de l'audience, évidemment, puisque cette émission ne vit que par la publicité. Il n'y a aucune subvention, aucun impôt, rien du tout. Non, mais c'est vrai, je l'explique. Donc, c'est vrai que plus il y a d'audience, plus ça nous permet de vendre de la publicité et d'avoir du personnel ici pour régler vos problèmes. Voilà, Eric, je vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve 2019 et demandezjustice.com vous appelle. C'est gentil, bonne fête de fin d'année. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Dans quelques instants, nous revenons sur un deuxième cas, une histoire de voiture d'occasion à 11 400 euros. Vous vous en rappelez, Hervé Pouchol ? Oulala, oui. Oh, oui. Quand on ne sait pas quoi dire dans cette émission, on fait oulala, oui. On le sait, ça. On est des vieux roublards de la radio. Oulala. Je veux qu'elle ait même quelque chose à vous dire. Ah, tant mieux, à tout de suite. Bonne fête à tous. Monoprix. Ma chérie, tu sais que tu prends le réveillon au sérieux quand tu fais passer un casting à ta famille pour savoir qui tu vas inviter à ta table. Et tu sais que tu prends le réveillon très au sérieux quand tu vas chez Monoprix avec un architecte parce que tu veux faire des petits fours design. Ok chérie ? Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle pour une boîte de caviar de 200 grammes Barry Aquitaine nouvelle récolte achetée avec la carte. La boîte 100 grammes est offerte aujourd'hui seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre et de la carte en magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pour Noël, offrez un livre. Pharaon de Christian Jacques. L'incroyable histoire du pharaon que l'on surnommera plus tard le Napoléon égyptien. Un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. Et si on était bienveillant, de Patrick Sébastien. Une invitation tendre et sincère à faire le premier pas vers l'autre. Un livre XO. Pour Noël, offrez un livre. Erectus, de Xavier Muller. Des lecteurs unanimes. Un roman si crédible que cela en devient effrayant. Un tour de force. Un livre XO. La bonne idée cadeau. Qui a dit ? Le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de ne plus avoir à attendre les soldes pour se faire plaisir. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kiabi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour deux articles, profitez de moins 20%. Trois articles, moins 30. Quatre articles, moins 40. Et cinq articles, moins 50%. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Du 15 décembre au 8 janvier, sur articles signalés. Conditions et liste des magasins ouverts sur kiabi.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Et je vous annonce que le 24 au soir, si vous êtes seul chez vous pour fêter Noël, ou alors tu es en voiture, tu veux de la musique, je traduis. Hein. Tu es en voiture, il le dit deux fois. Tu veux de la musique, on va pas le dire toute la journée. Donc tu es en voiture, tu veux de la musique, c'est bon. Nous serons là de 20h à 22h, toute l'équipe, pour vous mettre de la musique. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on if you really want it. Standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. When you're dancing, get down. What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on then. Get down on if it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Get down. Le rendez-vous est pris pour le 24 décembre de 20h à 22h. Toute l'équipe du 9h30, 11h sera là pour 2 heures de musique pour ceux qui ont envie d'en écouter, qui sont seuls ou en voiture. Ça sera Noël. Et là, nous allons tout de suite passer au cas de Laura. Laura nous avait dit ceci, puisque ce matin, je vous le rappelle, c'est une spéciale, on revient sur tous les cas qui bloquent. Nous avait dit ceci sur l'antenne d'RTL. C'était quand ça? C'était au mois de décembre, je crois, non? Je vous appelle du Val d'Oise. Mon compagnon m'a acheté un véhicule qu'il a acheté 11 400 euros. Près d'un an après, la police me convoque, saisit le véhicule et m'annonce qu'il ne m'appartient plus car il a été volé. Depuis, le vendeur, un concessionnaire, refuse de me rembourser. C'était un très gros cas et un cas vraiment inédit. En 18 ans ou 19 ans d'émission, Maître Félonneau, nous n'avions encore jamais vu ça. Elle l'achète chez un grand concessionnaire qui lui-même, le pauvre, a dû se faire avoir, mais il lui a vendu une voiture que la police est venue chercher en lui disant « Vous avez acheté une voiture volée ». Donc elle était quand même bien couillonnée, permettez-moi de le dire comme ça, parce qu'elle avait payé quand même 11 400 euros et il me semblait mais tellement évident que la concession devait dans ces cas-là rembourser qu'on a appelé pensant que ça allait se faire facilement. Oui, effectivement, parce que je rappelle que d'après l'article 16 sans cas du code civil, le vendeur a deux obligations, Julien. D'abord de vous délivrer la chose, ça semble la première chose évidente, et ensuite de vous la garantir. Et il doit effectivement la garantie d'éviction, c'est-à-dire qu'il doit vous garantir tout ce qui trouble la jouissance tranquille, la possession de la chose. Voilà. Et donc après, ce monsieur disait, pour rembourser, il faut que cette dame nous prouve que la voiture est bien repartie, qu'elle a été saisie, et tous ses papiers, elle ne les avait pas forcément. Hervé Pouchol, vous aviez appelé cette grande concession, et comme à chaque fois, quand on a des très grandes concessions qui font partie de grands groupes, nous tombons sur des gens intelligents qui disent, bon, nous, en tout cas, la satisfaction du client, et c'est vrai, ça se voit au quotidien que les grands groupes veulent garder leurs clients. Hervé. Oui, le groupe Trujas, qui est implanté depuis 1971, on a eu monsieur Fornari qui a répondu et qui ne s'est pas caché que le groupe Trujas a été victime d'une escroquerie et qu'effectivement, les autorités policières ont confirmé leur intégrité. Il a eu la responsabilité de tenir sa parole et je pense que Laura va pouvoir nous annoncer peut-être une nouvelle qui va concerner tout le monde. Alors, Laura, que s'est-il passé depuis vendredi dernier ? Bonjour, depuis vendredi dernier, nous avons reçu donc le courrier avec le chèque hier. Eh bien, bravo, on applaudit très très fort ce concessionnaire, bravo donc à la concession Trujas. C'est des pros, c'est vrai que c'est embêtant pour eux, parce que je crois qu'ils avaient 6 voitures, hein, les malheureux se sont fait avoir avec une arnaque, carte grise, vente, peu importe. Mais ils prouvent que quand on rentre chez Trujas et qu'on a, contrairement à souvent des petits garagistes que nous interpellons, qui se font passer pour des professionnels, quand on rentre dans une grande concession comme ça, sérieuse, qui fait partie d'ailleurs d'un grand groupe, c'est le groupe Peugeot, et bien derrière, le client n'est jamais lésé. Donc bravo Monsieur Trujas, je ne sais pas danser Monsieur Trujas, mais si j'avais 1, le physique, 2, la tenue, je n'hésiterais pas, avec peut-être un système de plumes ou je ne sais quoi, à venir devant la concession chanter Trujas. Bon, voilà. C'est une façon de lui dire merci. Laura, je vous souhaite de bonnes fêtes. Également à tous, merci à vous. Merci encore une fois, bravo à la concession Trujas, bravo à Peugeot. Voilà, quand on fait appel à des grandes marques, c'est ce que l'on attend. On sait qu'il peut y avoir un petit souci, mais on attend qu'il soit réparé, c'est fait. Eh bien, dans une seconde, nous allons enchaîner. Déjà, deuxième cas, le premier, malheureusement, vous l'avez vu, a bloqué, mais nous y revenons en 2019. Cette fois-ci, nous allons parler de cuisine. Et ça se passera dans quelques instants sur l'antenne d'RTL, avec une cuisine qu'une femme attend pour faire son repas de Noël. Eh bien, elle attend depuis longtemps. Inutile de vous dire que la dinde et le chapon commencent à faire la gueule. Et vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. It's so easy to be in love with you, girl. L'apéritif qui commence. La bouchée à la truffe et au comté. La douceur du foie gras sur son biscuit croustillant. Ou le moelleux de la mini-brioche au homard. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant ce réveillon, je compte bien me faire plaisir. En ce moment, chez Picard, laissez-vous surprendre par l'originalité de nos bouchées apéritives en édition limitée et passez Noël sous une bonne étoile. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, bougez plus. Nocibé. Do it. Envie de gagner du temps pour vos cadeaux de Noël ? Avec Nocibé, vous pouvez récupérer vos cadeaux en 2 heures. Oui, en 2 heures seulement. Dans un magasin près de chez vous avec le Click and Collect gratuit ou bien livré par coursier où vous voulez dans plus de 20 grandes villes en France. Nocibé, la beauté libérée. Conditions, liste des villes et magasins participants sur nocibé.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et qui arrive à Noël? Un kilo de litchi. Bah ouais. Mais comment t'as trouvé? C'était facile. Aujourd'hui, le kilo de litchi est à 2,79€. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à ce soir dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Madagascar. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Histoire d'or présente un Noël magique. Je l'imagine bien faire, waouh! Ah, j'aurais plus dit waouh! Non, waouh! C'est ça qu'elle dira notre petite Zoé devant son cadeau Histoire d'or. À Noël, découvrez nos collections de bijoux pour toute la famille dans nos 350 magasins et sur histoiredor.com. Histoire d'or, votre histoire en bijoux. Leclerc. Chérie, j'ai une surprise. Mais non, des homards. Des homards à 19,99€ le kilo chez Leclerc. Pour un sublime repas de fête. Moins de 20€ le kilo de homards. Chez Leclerc. On va se régaler. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 20 au 24 décembre, le homard cuit pêché en Atlantique Nord-Ouest de 300 à 400 grammes pièce est à 19,99€ le kilo. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Du homard. La tête que va faire maman. J'ose même pas imaginer. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et voici donc une histoire de cuisine passée en 2018 qui a bloqué et sur laquelle nous revenons et nous y reviendrons si ça continue à bloquer en 2019. C'est le cas, donnez-moi son nom, c'est Daniel. Daniel qui nous a dit ceci. Je vous appelle de Seine-Maritime. En mai 2017, j'ai commandé une cuisine. J'avais versé un acompte de 3 536€. La livraison devait avoir lieu en septembre 2017. Bientôt, cela sera un an et cette cuisine n'a toujours pas été livrée. Alors, nous avons Daniel qui est en ligne avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour Julien. Alors Daniel, il fallait, hein, c'est ce qui s'était dit sur l'antenne ce jour-là, que vous envoyiez un recommandé dans lequel il fallait préciser que vous vous désistiez de toute action judiciaire une fois que vous auriez encaissé le chèque du cuisiniste. Nous allons d'ailleurs réécouter l'accord qui a été pris sur l'antenne d'RTL. Daniel, vous envoyez, s'il vous plaît, par recommandé une lettre dans laquelle vous dites que, à réception et encaissement du chèque, vous vous désisterez de tout recours. Alors, attention à une chose, M. Courbet, il faut bien qu'il l'envoie au 201 route de Dieppe à Déville-les-Rouen, à l'agence de Déville-les-Rouen. Oui, Déville-les-Rouen. Ça marche, merci. Alors, est-ce que vous avez envoyé ce recommandé, Maître Felloneau? Oui, tout à fait, je l'ai envoyé le 30 novembre. D'accord, Maître Felloneau. Oui, je confirme, effectivement, et c'est très bien libellé, puisque Daniel a inscrit la phrase qui, à mon avis, est parfaite, c'est « Je sous-signais, Daniel, m'engage à renoncer à toute poursuite contre l'entreprise Cuisine et Cuisine, à condition que me soit remboursé mon acompte de 3 536€. Cet engagement prendra effet après encaissement effectif du chèque de remboursement. » Daniel, avez-vous du nouveau ? Non, du tout, non. Bon, eh bien, nous lançons l'appel, c'est parti, l'appel vient d'être lancé, donc encore une fois, comme pour le cas numéro 1, mais oui, bon, on va le régler, mais allez-y, mais qu'il m'envoie et on n'en parle plus, je vois pas pourquoi, on en fait tout un pataquès sur l'antenne d'RTL. Alors, cette lettre a bien été reçue le 4 décembre par l'entreprise. Donc, il nous a un peu roulé in the farine, mais peut-être qu'il y a un autre problème et nous allons lui demander, car nous demandons toujours... Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Cuisine et Cuisine. Oui, bonjour Monsieur Courbet. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Bon, alors, on est en train de parler de vous sur l'antenne parce qu'on faisait un peu le point en cette dernière de 2018 et on s'était dit plein de choses intéressantes de la dernière fois, mais apparemment, il ne se serait rien passé d'après ce que dit Daniel. Non, j'ai... j'étais sur le magasin de Deville il y a 3 jours et effectivement, j'ai vu que Monsieur Narmitte avait bien envoyé le courrier. Oui. Il n'y a pas de souci et j'ai demandé à la comptable de lui faire le chèque. Ah, il n'a pas été fait encore. J'ai même vu pour il y a 3 jours. Pardon ? J'ai vu le courrier toujours et j'ai donné les instructions pour qu'on envoie le chèque. Vous l'avez reçu donc le 4 décembre. Il va l'avoir, à mon avis, il va l'avoir pour lundi ou mardi, je pense qu'il l'aura. Allez, mardi. Bon, j'espère que c'est la dernière, monsieur, parce que vous l'envoyez le 4 décembre. Non, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai reçu le courrier, enfin, j'ai vu le courrier il y a 3 jours. Ils vous ont pas prévenu, en fait, d'accord. Il est venu la semaine dernière. Allez, ça marche. Alors, Daniel, vous avez entendu ? Oui, mais j'y crois pas. Bon, ouais, mais ça. Daniel, on attendons mardi. Puis c'est si mardi. C'est l'esprit de Noël encore. Si mardi. Un peu. Voilà, exactement. Si mardi, il n'y a rien, ben, on rappellera monsieur. On lui dira que vraiment, là, il se moque de nous. Mais ben je crois qu'il ne savait non. pas. On se dira le tribunal, tout simplement. Je pense, mais attendons 2019. Bon, c'est vraiment l'esprit de Noël. Bah, non, attendez. Moi, je crois à l'esprit de Noël. Monsieur dit, ça va partir la semaine prochaine pour Noël. S'il ne le fait pas, bah, en 2019, il faudra saisir le tribunal. Non, mais là, je pense que monsieur en a marre. Qu'on l'appelle, il en a marre qu'on parle de cuisine et cuisine, donc je suis certain que le chèque sera là mardi. Le courrier a été reçu la semaine dernière, hein, il doit avoir le truc, de toute façon, comment on appelle ça le 4 décembre, vous l'avez reçu, monsieur. Moi, je l'ai vu il y a 3 jours. Oui, mais vous l'avez. Monsieur, il faut que vous en parliez à vos employés, mais quand vous recevez un recommandé, qu'ils vous préviennent tout de suite, parce que vous l'avez depuis le 4 décembre. Donc ça fait un peu moins de 20 jours qu'il est dans vos magasins. Moi, je l'ai vu il y a 3 jours, effectivement. Je ne conteste pas ça. Bon, allez, mardi, on s'appelle, ça marche. Daniel, ne vous inquiétez pas, c'est Charlotte qui vous appelle début janvier. Oui. Julien. Oui. Si c'est pas mon chèque mardi, vous mettez mon dossier à jussi.com. Ah d'accord. Bon, bah, écoutez, on n'en est pas là encore. Ne vous inquiétez pas. Mais de toute façon, ça se termine comme ça en général. Quand les gens ne font pas, et après on va au tribunal. C'est vrai que c'est demander jussi.com qui règle tous les dossiers, mais il va le faire. Vous l'aurez là cette semaine. Oui. Allez, Daniel. Merci, monsieur de Cuisine et Cuisine. Merci. Je vous remercie. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Et donc nous nous appelons mardi pour en savoir plus. Eh ben, dis donc, le pauvre Daniel, il en a marre. Je comprends, Daniel, mais il faut lui faire confiance. Allez, je suis sûr que vous allez voir, vous allez avoir un beau cadeau de Noël. Un cadeau à combien ? À 3 536 euros, Daniel. Vous nous appelez, Charlotte. Donc, on n'est pas là la semaine prochaine, mais Charlotte va vous laisser son portable. Vous pouvez l'appeler jour et nuit sur son lieu de vacances pour lui dire si vous avez touché votre chèque. Tout à fait. D'accord, entendu. Okay. Bon, bah écoutez, ça mériterait... Je ne vais pas chanter parce qu'on ne va pas chanter à chaque fois. Allez. Qu'est-ce que vous voulez que je chante sur cette chanson? D'accord, bah remettez au début. Alors ça, je n'avais pas pensé à ça. Il m'a dit d'attendre au moins un an pour ma cuisine. Et en attendant d'aller manger à la cantine. Voilà, ça vous va? Non, ça, on en reste là. Et la troisième. Non, je fais... Non. Comme il y a des gens qui se plaignent, je fais pour l'instant... Autant, mais plus court. D'accord. Voilà. C'est un premier temps. Nous allons nous retrouver dans quelques instants. Je vois ma copine qui vient d'entrer sur l'antenne dans le studio et qui va nous faire un petit message. J'espère que c'est le même qu'hier parce que vous nous avez régalé hier. Oui, c'est pas... Non, c'est pas le même. Ah, dommage. Parce que est-ce qu'on sait au moins qui était l'animateur de Grand Frais? Mais non, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Parce que hier, elle est venue, elle nous a fait une belle publicité où il était question qu'un animateur d'RTL soit au rayon de chez Grand Frais. On ne sait toujours pas qui a été. Non. Bon. En tout cas, moi, j'ai croisé Laurent Ruquier, il avait l'air content. Allez, à tout de suite sur RTL. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le panier de fruits de Pauline qui change. Avec le litchi origine Madagascar à 2,79€ le kilo. 2,79€. Pauline, le litchi, c'est le punk de la famille des fruits. Il est bizarre, original et on n'en croise pas tous les jours. Goûte, tu verras. Jusqu'à ce soir seulement, vos magasins Auchan, Maille Auchan et Adopa proposent le litchi origine Madagascar à 2,79€ le kilo. Et votre panier de fruits change. Auchan. Catégorie 1. Cultura. Qui sait qui a pas encore écrit sa lettre au Père Noël? Qui sait? C'est toi. Et le pauvre Père Noël, comment il va faire pour t'apporter des jolis cadeaux? Si vos proches ne savent plus quoi inventer pour vous soutirer des idées de cadeaux, ne dites pas. Bah, il a qu'à demander des idées au lapin de Pâques, le Père Noël. Mais dites plutôt. Il ferait bien d'aller faire un tour chez Cultura, le Père Noël. Pas de panique pour vos achats de Noël. À partir du 14 novembre, toutes les meilleures idées cadeaux sont dans les magasins Cultura et sur cultura.com. De quoi passer un joyeux Noël. Cultura, l'esprit jubile. Intersport. Chez les Durand, on ne s'offre qu'un cadeau par personne. C'est une sorte de tradition. Mais cette année, ils sont tous allés chez Intersport. Il n'y aura jamais assez de place au pied du sapin. Jusqu'au 24 décembre, il est encore temps de célébrer Noël chez Intersport. Votre deuxième article acheté est à moins 50% sur les marques Adidas, Puma et Asics. C'est 50% de réduction et 100% de plaisir d'offrir en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Messieurs, dames, notre voyage continue direction les montagnes de Noël. J'ai une bonne nouvelle, on va prendre le funiculaire de la fibre. Wow. Prêt pour le départ? Oui, oui. On va y aller, à la vitesse de la lumière. Oh, oh, c'est haut. Et en plus, c'est beau. À Noël, chez SFR, tout s'accélère avec la fibre. Jusqu'au 7 janvier, la fibre starter est à seulement 20 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Alors, je fais les présentations. La bague, mon doigt, la bague. Bon, je vais vous laisser faire tranquillement connaissance. En tout cas, perso, je trouve que vous allez hyper bien ensemble. Non, vraiment, vous êtes au top. Habituez-vous à porter des bijoux de créateurs avec la nouvelle collection Le Manège à bijoux. Comme la bague créée par Sheila Andrioli Stuart en or gris et diamant à partir de 325 euros. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième. Leclerc. Bague en or gris 2,50 g et diamant 0,22 carats taille 54. Merci d'avoir choisi le 9h30-11h émission spéciale ce matin, la dernière de 2018 où nous essayons d'avancer sur tous les cas qui ont bloqué en cette saison. Le tirage du grand loto de Noël, c'est dans 4 jours. Rendez-vous dans votre point de vente habituel ou sur fdj.fr pour tenter de gagner le jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros à partager au rang 1. Et si vous ne trouvez pas les 6 numéros, le jackpot sera partagé entre tous les gagnants, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RTL, Julien Hillet. Il est... Non mais là, je voulais vous dire une chose. Que vous parliez de loto ou de surgelé, vous me faites transpirer. Il est 10h01. Joyeux Noël. Alexandre de Saint-Aignan est là pour les informations. Bonjour Julien, bonjour à tous. Une très bonne nouvelle selon la ministre française des Armées, Florence Parly, était l'invitée de RTL ce matin. Elle s'est félicitée de la capture du djihadiste Peter Sherif, soupçonné d'être l'un des commanditaires de l'attentat de Charlie Hebdo. Il a été interpellé à Djibouti dimanche dernier par la police française, surnommé Abu Hamza. C'était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Et puis au sujet du retrait annoncé des troupes américaines en Syrie, la ministre a reconnu que la décision prise par le président américain change assez profondément la donne. Florence Parly estime que la coalition anti-Daesh a un travail à finir, sans quoi les groupes terroristes pourraient reprendre leur activité. Le Sénat doit examiner aujourd'hui les mesures d'urgence promises par Emmanuel Macron, censé répondre à la crise des Gilets jaunes. Elles ont déjà été votées la nuit dernière par l'Assemblée nationale. Après plus de 13 heures de débat, le chef de l'État a tenu à répondre personnellement à une pétition sur Internet hier soir, appelant à une baisse des prix du carburant à la pompe. Vous avez raison, répond sans détour Emmanuel Macron dans un long message. Il appelle à poursuivre le dialogue. Un dialogue qui doit notamment prendre la forme d'une grande concertation nationale. Et le Premier ministre Édouard Philippe est en déplacement en Haute-Vienne aujourd'hui sur ce thème à la rencontre des élus et des salariés. Certains gilets jaunes continuent d'appeler à manifester demain, notamment à Versailles. Conséquence, à la demande de la préfecture, le château de Versailles et son domaine, l'un des monuments les plus visités de France, restera porte close demain par mesure préventive. Ségolène Royal souhaitait devenir numéro 2 de la liste écologiste pour les élections européenne, mais le numéro 1 lui ferme la porte. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces magouilles, a déclaré ce matin Yannick Jadot. Ce n'est pas la nostalgie qui va nous sauver, je cite, pour porter l'écologie, il faut des écologistes. Reprise du trafic à l'aéroport londonien de Gatwick, paralysé depuis 36 heures à cause de drones qui survolent les pistes. Il a finalement pu réouvrir ce matin. Un nombre limité d'avions sont prévus au décollage et à l'atterrissage, mais des annulations et des retards sont toujours possibles. Depuis mercredi soir, plus de 100 000 passagers ont été impactés. À quelques jours de Noël, la police anglaise a rapidement dénoncé un acte délibéré. L'armée a même été appelée à l'aide pour traquer les drones et leurs pilotes. La Bourse de Paris a ouvert en légère baisse ce matin, une baisse qui se poursuit à moins 0,88%. Le CAC 40 actuellement autour des 4651 points. La météo pour cet après-midi, un temps encore bien couvert sur l'ensemble du pays avec de la pluie et du vent jusqu'à 80 km/h en plaine et jusqu'à 100 km/h en montagne. Quelques éclaircies vont faire leur apparition le long de la Manche jusqu'aux frontières du Nord et le soleil va faire de la résistance sur les bords de la Méditerranée. Les températures pour cet après-midi, il fera 10 degrés à Lyon et à Montélimar, 13 au Havre, à Bourges, à Toulouse, 14 à Lille et à Orléans, 15 degrés à Paris, 16 à Tarbes et 17 à Biarritz. Fabriqués en France, les oreillers et couettes Colanormand vous apportent une récupération optimale. Oreillers et couettes Colanormand, chaque matin, partez gagnant. Les courses à Vincennes cet après-midi, voici les pronostics de Claude Pierre-Santi pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 11, le 7, le 18, le 2, le 10, le 14, le 17 le 5 et la dernière minute, c'est le numéro 2, Eliane. Il est 10h04 sur RTL. Vous retrouvez Julien Courbet. Je ne vous demande pas ce que vous faites pour les fêtes. Vous participez, je suppose, à une soirée de l'ambassadeur. Une soirée de l'ambassadeur, non, mais je serai à l'antenne d'RTL. Qui va venir comme avec toujours. Son hélicoptère, avec des Ferrero Rocher qu'il va distribuer. J'aimerais bien si vous m'invitez. Vous serez sur l'antenne ? Oui, bien sûr. Le 24 au soir ? Le 24 au matin et le 25 au matin. D'accord, aussi. Ben nous on y sera le 24 au soir. Vous voyez, on va se croiser. Mais très bien. Je vous souhaite de avec bonnes plaisir. Fêtes, Alexandre, à merci, tout à l'heure. Bonne fête à vous. Nous allons donc vous signaler que l'esprit de Noël est là et que nous sommes là non pas pour embêter les gens mais pour régler les problèmes avant d'aller encombrer des tribunaux, se parler, négocier, c'est ce que nous faisons. Joyeux Noël à tous sur RTL. It's the most wonderful time. Allez, un point info sur ce qui s'est passé dans cette spéciale où nous revenons sur tous les cas de 2018. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Enfin, pas sur tous les cas, sur les cas qui ont bloqué. Et nous ne pourrons malheureusement pas tous les faire, nous y reviendrons aussi en 2019. Nous avons démarré avec le cas de Eric. 2280 euros d'acompte pour le transport de son bateau entre la Belgique et la France. La prestation n'a jamais eu lieu. On rappelle Maître Fellonneau que ce monsieur nous dit « Si je n'ai pas transporté son bateau, c'est parce qu'il a changé de date de transport. Donc à partir de là, moi je n'avais plus le matériel. Nous lui avons dit « Amenez-nous la preuve qu'il a changé le date, envoyez-nous le mail, mais je vais vous l'envoyer. » Et il ne l'a pas envoyé. Et puis après, il nous a dit, mais écoutez, de toute façon, ça va se passer entre avocats parce qu'il a pris un avocat. Et il n'a pas d'avocat. Voilà. Donc nous l'avons rappelé et là, il nous a dit, je suis sur un chantier, je ne vous parle pas aujourd'hui, je vous parlerai en 2019. Donc ça bloque avec VB Logistique, Bernard, on est d'accord ? Oui, exactement. Et je pense qu'il va trouver une bonne solution, et je l'espère, pour 2019, pour démarrer la bonne année pour son entreprise. De toute façon, demandezjustice.com est d'ores et déjà dans les starting blocks et ce monsieur sera convoqué. Il donnera ses arguments devant le juge dit bien de sûr. Proximité, bien que ça n'existe plus cette... Non, c'est le tribunal d'instance. Voilà. Tout simplement. Et puis, on verra ce qu'il... faudra bien qu'il sorte le mail, parce que s'il n'a pas le mail, le juge n'aura pas d'autre solution que de dire, monsieur, mais il fallait le livrer à cette date-là. Effectivement, dans mon dossier, moi, on a vu qu'il y avait eu un défaut, enfin, un problème pour la livraison en juillet, mais qu'ensuite, elle a été reportée en août, et ensuite, en début septembre, et là, c'est à la demande de l'entreprise de transport. Nous avons, en deuxième cas, traité celui de Laura. 11 400 euros pour une voiture achetée chez un professionnel. 11 mois plus tard, la police l'arrête et lui saisit la voiture. Elle aurait été volée. Eh bien, nous avons eu du nouveau. Lequel ? Monsieur Fornari, le directeur des ventes, a tenu parole. Il a adressé à Laura la somme de 11 400,76 € par chèque. Bravo en tout cas à Trujas, Franchise et Peugeot. Ce sont des pros, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous avons eu Daniel il y a quelques instants. Et sa cuisine, 3 536 euros d'acompte pour la cuisine. La livraison devait avoir lieu en septembre 2017. Maintenant, on attendait le remboursement. Alors, encore une fois, nous avons rappelé, nous avons suivi les consignes de ce que nous a dit ce monsieur de cuisine et cuisine à Deville-les-Rouen, à savoir envoyez-moi un recommandé avec marqué patati patata. Il a été envoyé. Malheureusement, il est parti il y a un mois le recommandé, mais ce monsieur ne l'a vu qu'il y a trois jours. Mais il a donné consigne pour le chèque, donc il devrait arriver. Pas mardi, parce qu'il a dit mardi, mais c'est Noël, mais je pense que ça arrivera mercredi, quoi. Alors, Daniel nous a dit, je vous préviens, si je l'ai pas mercredi, vous. Ouais, vous enclenchez la justice.com parce qu'il en a ras-le-bol, Daniel, et il a bien raison. Mais nous rappellerons quand même cuisine et cuisine oui, oui. pour essayer de savoir si le chèque est bien arrivé, je l'espère. Alors maintenant, qu'allons-nous faire ? Nous allons parler de poils, mais pas ceux que l'on a dans le nez ou sous les bras selon l'âge. Celui qui chauffe, c'est dans une seconde sur l'antenne d'RTL, Maître Fellonneau. Oui. Joyeux Noël, Maître Fellonneau. Bon, le Père Noël, je ne sais pas ce qu'il va vous emmener, mais certainement pas de la beauté, vous avez déjà ce qu'il faut. Oh, oh, c'est beau, c'est beau. Chaque année, il lui emmène un petit lot de beauté, elle ne sait plus quoi en faire. De la tête aux pieds. C'est trop. Nous nous retrouvons dans une seconde sur RTL. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50 gigas, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50 gigas à 9,99 €, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50 gigas de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 gigas pour clients pack Open à 9,99 € par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99 € par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019. 15 € par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois. Conditions sur orange.fr. Avec Conforama, Noël est plus beau. quand Noël est déjà là, mais les idées pas tant que ça. Nous, on vous propose la carte cadeau personnalisable à partir de 10 euros. Pour offrir l'embarras du choix à prix Conforama. Conforama. Voir liste des magasins ouverts dimanche sur Conforama.fr. Cyril, pourquoi tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest? Mais parce que c'est divin. Et puis foie gras, ça va avec Sud-Ouest, c'est comme ça. IGP, Canara foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Chez Carrefour, il y a 50% d'économies sur des centaines de jouets. C'est génial! Des Lego, des Barbie, des Nerf, des jouets Play-Doh. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts. Résultat des courses, les meilleures économies, c'est chez Carrefour. Hein, Père Noël? Pour Noël, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez vite de 50% d'économies sur des centaines de jouets avec votre carte Carrefour. Vos magasins sont ouverts dimanche toute la journée. Carrefour. Voir produits signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Modalité, liste des magasins participants et ouverts dimanche sur carrefour.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, dans le 9h30-11h sur RTL, nous revenons, Céline, sur le cas de... Laurent. Laurent. Alors, qu'était-il arrivé à Laurent? Il nous l'avait dit sur l'antenne d'RTL. Écoutez bien. Je vous appelle de l'Isère. J'ai acheté un poêle neuf que j'ai payé 4100 euros. À la première utilisation, il ne fonctionne que 5 minutes. Il y a urgence avec ce grand froid. Mais le vendeur me demande 380 euros alors qu'il est sous garantie. Puis quoi encore? Nous avions eu le revendeur de poêle situé à Estravelin, dans l'Isère. Nous avons eu aussi en antenne Vitafire, la société de dépannage située à Saint-Bonnet-de-Mur. Et ce matin, nous sommes justement en ligne avec Alexia de la direction technique de Vitafire, Bernard. Eh ben, Julien, Alexia, pour l'instant, ne souhaitait pas parler et je viens de recevoir un mail. D'accord. Donc, si vous voulez, on peut tenter de la rappeler, hein, éventuellement, non, mais elle ne souhaite ne pas, pas parler. Pour on n'oblige pas les gens à parler. Voilà. Donc, elle, c'est donc la société de dépannage, hein, qui assure. Ce ne sont pas les vendeurs. On exactement. Rappelle quand même, s'il vous plaît, Maître Félonneau, qu'en première ligne, quand j'achète un poêle à bois, c'est celui qui me l'a vendu. C'est pas celui qui le fabrique, c'est pas celui qui est censé venir le dépanner. Non, effectivement. Et d'autant plus que ce poêle a été acheté il y a moins de 2 ans et qu'il est donc encore sous la garantie légale de conformité. Alors, où en est-on, s'il vous plaît? Ils ont fait un point détaillé de toutes les actions qu'ils ont menées pour Laurent. 25-10-2018, intervention d'un technicien Vitafire pour des problèmes de démarrage. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que le client a précisé au technicien qu'il a utilisé son poêle pendant 1 an dans sa maison non isolée. Intervention de 120,50 euros non réglée par le client à ce jour. Alors, top, on va demander tout de suite, est-ce que Laurent est en ligne avec nous? Oui, bonjour Julien. Alors Laurent, avez-vous dit à cette société qui est venue faire une intervention chez vous que vous aviez utilisé déjà le poêle sans isolation? Non, jamais. Il a été stocké parce que j'attendais la fin des travaux, mais il n'a jamais été utilisé. Le compteur horaire le prouve. Bien. Deuxième point, elle dit que vous n'avez pas payé l'intervention. Je ne paye pas une intervention puisque le poêle ne fonctionne pas et je n'ai pas à payer une intervention alors qu'il est sous garantie. Mais quand ils sont venus, ils ont fait quoi exactement? Le dépanneur a dépanné, a travaillé pendant 1 heure sans savoir d'où venait le problème. D'accord. Donc il a demandé à faire venir un autre dépanneur. C'est pas complètement couillon, Maître Félonneau, de dire attendez, il est sous garantie, je vais pas payer, sinon ça ne sert à rien d'avoir oui, une garantie. Oui, c'est même recommandé. Bien, hein? Donc la suite. Deuxième intervention, 14 novembre 2018, suite au recommandé du client. Nous sommes venus chercher les composantes électroniques. Même constat, l'humidité a endommagé l'appareil. Intervention de 120,50 euros non réglée par le client. Oui, mais alors il va continuer à nous dire la même chose, que c'est sous garantie. Encore une fois, à quoi ça sert? Parce que quand vous entrez dans le magasin chez Céramir pour dire « je voudrais un poêle », monsieur, sachez qu'ils sont garantis, prenez-le, achetez-le, il est sous garantie. Si après, quand il tombe en panne, on vous dit « mais faut payer les interventions », on a l'impression, on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'on voulait avoir ces gens-là au téléphone, pour qu'ils nous expliquent. Cette dame, elle ne veut pas parler de Vitafire, mais il faut qu'elle comprenne, il faut qu'on ait un dialogue pour qu'elle nous explique pourquoi, si c'est sous garantie, il faut qu'il paye à chaque fois que quelqu'un de Vitafire aille là-bas. Et puis donc le 15 novembre, Vitafire envoie un devis au client pour lequel il sonde le débit d'air. Il fait une étude précise des dommages et il propose au client, évidemment, de payer cette somme de 300 et quelques euros, hein, 380 pour être précis. Évidemment, le client ne le souhaite pas, évidemment, qu'on intervienne. Et surtout, et c'est important, c'est que, voilà ce que dit nos amis de Vitafire, nous avons proposé 2 fois de souscrire à Laurent un contrat d'entretien et de maintenance pour son appareil afin de minimiser les frais, mais celui n'a pas voulu. Voilà mais il leur n'a position. Pas voulu, parce que quand il a acheté chez le revendeur de poils, il avait tout ce qu'il fallait, normalement. Alors, effectivement, c'est vrai que la plupart des consommateurs bien avisés se disent « Pourquoi vais-je souscrire un contrat d'entretien et payer alors que mon produit est sous garantie complète, pièce et main-d'œuvre ?» Donc effectivement, c'est la position du consommateur. Maintenant, dans ce que nous dit pardon, Bernard sur la position de cette entreprise, c'est qu'elle dit, mais attendez, il y a eu un défaut d'utilisation de la part de notre ami Laurent, parce qu'en fait, il l'a stocké ou utilisé, ou je ne sais pas bien, dans un endroit humide qui a endommagé les pièces, puisqu'il faut changer la carte mère, il faut changer différentes pièces, d'ailleurs, gratuitement. D'ailleurs, ce n'est que la main d'œuvre qui est demandée. Demandons à Laurent. Laurent, l'avez-vous stocké? Après, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. De toute façon, je vous le dis, là, on se dirige tout droit vers demandezjustice.com où tout le monde va être convoqué par un bon juge bien sympa qui sera très souriant et qui va demander à chacun de donner une petite explication. Et il faudra bien les donner. Donc, est-ce que vous l'avez, je vous le dis quand même, stocké dans un endroit humide? C'est ma maison, Julien. J'ai aucune trace d'humidité. J'y vis tous les jours. Il n'y a aucun problème. Et en plus, il était emballé en attendant la fin des travaux. Donc, Vitafailleur devra prouver que l'endroit était humide. C'est à Vitafailleur de le prouver. Exactement. Mais ne déplaçons pas non plus le problème. Je rappelle que ce poêle a été acheté chez Céramir et que Céramir est le vendeur et qu'aujourd'hui, Céramir ne trouve pas la solution. Alors, peut-être ont-ils proposé des choses que j'ignore? Non, pas du tout. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas souhaité parler. Dominique Châtaignier et Annick Méribel, les gérants de cette société, Céramir n'ont pas souhaité parler et ils ont envoyé la balle, évidemment, à la société de dépannage. Je trouve ça un petit peu facile, Julien, parce que quand on vend quelque chose, on doit assurer, pas que la maintenance, mais ne serait-ce que le service après-vente. Les auditeurs sont grands, tous ceux qui sont dans cette région, ils savent que s'ils vont chez Céramir ou ils ont le choix d'y aller ou ne pas y aller, c'est eux qui décident. Ils écoutent comment ça se passe, nous on explique, et puis après, de toute façon, chacun se fait son opinion. Alors, le vendeur, quand même, a pris en considération les arguments de son client, puisque les pièces sont facturées 0 €. Ce qui est facturé à Laurent, c'est effectivement la main-d'œuvre. Mais est-ce qu'il y a une garantie contractuelle quand même? Alors, la garantie, c'est pièces et main-d'œuvre pendant 2 ans. Donc, ça, on est dans normal, les 2 ans. Exactement. Bon, alors on ne discute pas. Alors, on va essayer de rappeler dans une seconde, si vous le voulez bien, Charlotte Céramir, dans le seul but de leur donner la possibilité sur l'antenne de nous dire vous avez dit n'importe quoi, je tiens à rectifier, je ne veux pas qu'il soit dit des choses sur Céramir. Ils vont avoir tout le temps de le faire. S'ils ne veulent pas, c'est de leur responsabilité. Ça se passera après avoir écouté une chanson de Noël. Car Mika, on ne se rappelle peut-être pas, mais en 2011, Hervé Pouchol avait chanté « Vive le vent ». Le vent d'hiver, effectivement. Oui, parce que s'il avait chanté à Noël « Vive le vent d'été », remettez depuis le début, franchement. Vous confondez avec Marcel Amon le chapeau de Mireille qui s'était envolé. Exactement. Mais ça n'a rien à voir. Là, c'est Mika, « Vive le vent ». On en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Nous sommes là pour vous aider. C'est un peu ça l'esprit de Noël, 19h30-11h. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. S'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année, grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux 1000 bougies. Qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. S'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Ah voilà, voilà, voilà. Joyeux, joyeux Noël, mille bougies, on chante vers le ciel et clash de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Merci Mika. Voilà ce que c'est qu'enregistrer un disque à la fin d'un bon repas bien arrosé. C'est Mika avec Vive le vent sur l'antenne d'RTL. Non, mais j'aime bien cette version. Écoutez, c'est festif, ça nous donne le sourire. Je crois qu'on a eu des semaines de galère et je pense à tous ceux qui sont dans la galère et qui ont besoin de se détendre un petit peu. C'est le moins qu'on puisse faire pour eux. On se retrouve dans une seconde. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on rappelait? Oui, pour les poils à chevet, pour Laurent. On va essayer peut-être d'appeler en Italie. Alors, l'Italie, ça c'est le constructeur, mais on a dit qu'on laissait surtout la parole à nos amis de Céramir, hein, pour leur dire qu'il n'est pas le seul à se geler, Laurent. Johnny, dans son temps, se gelait également. Céramir ou Céramir, je m'appelle le chou-fleur. Il faudrait vite revenir, installer ce poil de malheur. Voilà. Tout de suite sur l'antenne d'RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre. Ah, le patron? C'est chez Lidl? Ah oui, et ce dimanche, ils font moins 20% sur tous les produits de luxe. Foie gras, mini-bouchées, saumon. Moins 20% sur la gamme de luxe? Et c'est pas tout, il y a aussi moins 20% sur les chocolats Favorina. Dimanche, c'est ça? Ah, c'est ça. J'en profite pour acheter des chocolats pour notre fête de Noël. Ah, bah t'es plus invité. Mais tu me laisseras les chocolats sur mon bureau? Non. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. C'est bientôt Noël. Dépêchez-vous de trouver le cadeau idéal. Avec Groupon, vivez les fêtes en économisant sur une foule de bons plans, d'expériences et de cadeaux à offrir à vos proches. Téléchargez l'appli gratuite Groupon dès maintenant pour découvrir nos offres beauté, bien-être, restaurant, loisirs et sorties. Offrez des expériences près de chez vous et donnez du sens à l'esprit de Noël. Avec Groupon, c'est cadeau. Vite, téléchargez l'appli gratuite et économisez. Sœur, c'est le thriller de Bernard Minier. 20 minutes, avis aux fans, un cauchemar qui fait remonter le temps. Femme actuelle, un thriller qui nous tient en haleine de bout en bout, palpitant. Sœur de Bernard Minier, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le panier de fruits de Pauline qui change. Avec le litchi origine Madagascar à 2,79€ le kilo. 2,79€. Pauline, le litchi, c'est le punk de la famille des fruits. Il est bizarre, original et on n'en croise pas tous les jours. Goûte, tu verras. Jusqu'à ce soir seulement, vos magasins Auchan, Maille Auchan et Adepa proposent le litchi origine Madagascar à 2,79€ le kilo. Et votre panier de fruits change. Auchan. Catégorie 1. Nocibé. Envie de gagner du temps pour vos cadeaux de Noël? Avec le nouveau service coursier chez Nocibé, faites-vous livrer en 2 heures et où vous voulez, dans plus de 20 grandes villes en France. Oui, en 2 heures seulement et par coursier. Rendez-vous vite en magasin et sur nocibé.fr pour des offres exceptionnelles à tous les prix. Nocibé, la beauté libérée. Conditions, liste des villes et magasins participants sur nocibé.fr. L'empereur de Paris. La seule chose qui t'intéresse, c'est la vengeance, faire la guerre à toutes ces ordures qui te collent à la peau. Pour survivre, il est prêt à tout. Un ex-bagnard obsédé par l'idée de se racheter une place dans la société. Spectaculaire, phénoménal, par le réalisateur de Mérine. Il n'y aura jamais qu'un seul empereur. L'empereur de Paris, avec Vincent Cassel, actuellement au cinéma. Avec RTL. Faites les fêtes chez Géant et régalez-vous de l'entrée au dessert. Jusqu'au 24 décembre, pour préparer les fêtes en grand dans votre magasin Géant, les litchis sont à prix coûtant. Oui, vous avez bien entendu, les litchis origine Madagascar à prix coûtant. Joyeuses économies à tous chez Géant. Ouverture exceptionnelle ce dimanche toute la journée. Litchi, catégorie 1, origine Madagascar. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Céline, nous sommes toujours sur RTL dans le 9h30-11h sur le cas de Laurent. Et son poêle à chauffer, encore sous garantie, qui n'a jamais fonctionné. Et le vendeur lui demande de payer 381€ pour la réparation. Il ne veut pas, il dit que l'hiver est dur puisque ça ne marche pas. Donc nous avons décidé, enfin il a décidé avec nous qu'il irait à demanderjustice.com. Mais auparavant, comme beaucoup de choses ont été dites sur l'antenne d'RTL, nous rappelons Céramir pour savoir s'ils veulent rajouter quelque chose ou si tout simplement le juge de juridiction va s'en occuper. Ça va se passer donc d'ici quelques mois et nous vous donnerons le résultat évidemment de ce procès sur l'antenne. D'ailleurs en 2019... Ça vous répète, bonjour. Oui, bonjour Céramir, Julien Courbet à l'appareil. Serait-il possible, nous sommes sur l'antenne d'RTL, d'avoir ou M. Dominique Châtaignier ou Mme Annick Miribel ou M. Christian Miribel? Oui, alors ne quittez pas, merci. Merci beaucoup. Vous récupérez l'appel, vous me le passez dès que la personne arrive. Ça va nous permettre, nous, d'avancer parce qu'on a beaucoup de cas qui sont en attente. Ça me permet aussi de vous dire que vous faites le plein de gourmandises. Je le dis pour tous les auditeurs qui passent sur l'antenne, grâce à RTL et à Jeff de Bruges, en gagnant un bel assortiment des meilleures recettes chocolatées de Jeff de Bruges. Un ballotin de chocolat, des truffes onctueuses de délicates Juliette et un coffret de Palais Grand Cru. Il y en a pour tout le monde. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que il n'y en a que pour moi, je garde la boîte. Nous allons avoir Jean-Marc dans une seconde. Jean-Marc qui gérait un magasin de location de deux roues. Mais quel cas énorme que nous faisons tout de suite. Allez, Maître Félonneau, s'il vous plaît, faites profiter de votre belle voix à tous les auditeurs et rappelez-nous ce cas complètement dingue. Mais Jean-Marc a accepté de réparer une moto accidentée après que l'expert de l'assurance soit passé. Il facture le montant prévu par la compagnie d'assurance, mais figurez-vous que son client ne le règle pas alors que nous avons appris que la compagnie d'assurance lui avait bien envoyé un chèque de 7 566 € pour le faire. Vous avez bien entendu, moto cassée, emmenée chez le réparateur, il répare, il ne paie pas la réparation, il repart d'ailleurs avec la moto si je ne m'abuse. Exactement. Se fait payer la réparation qu'il doit redonner au réparateur, ne lui redonne pas et dit maintenant le réparateur, il y en a pour trop. Alors que l'assurance a payé pour ce prix-là. Donc on l'a appelé, rappelé, re-rappelé, je ne sais combien de fois Monsieur Abdelkader Guédioni. Et le 4 décembre, donc on a appris que la banque avait levé l'opposition puisque lui, il a quand même remis un chèque au garagiste en lui disant « Tenez, payez-vous avec ça ». Et après, il est allé voir sa banque en disant « J'ai perdu le chèque », alors qu'il avait remis entre les mains du garagiste. Finalement, l'opposition a été levée. Donc Jean-Marc, vous deviez attendre si le chèque était provisionné. Où en est-on ? Bonjour. Eh bien, malheureusement, j'ai reçu une lettre de la banque me disant que le chèque était totalement sans provision. Voilà. Donc, bon, ça continue. Vous m'avez montré quelqu'un du doigt à l'hasard, mais je n'ai pas bien compris. Jean-Baptiste. Ah, pardon, allez-y. Excusez-moi, Jean-Baptiste. Oui, vous étiez caché derrière le micro, je ne vous ai pas vu. Vous êtes très mince, il faut le dire. Oui, et puis le siège est un peu bas. Alors, j'ai rappelé donc Monsieur Guédioni, moi, pour savoir ce qu'il comptait faire maintenant. Et j'ai trouvé beaucoup plus calme et responsable que la dernière fois au téléphone. Texto, il m'a dit, cet argent, je le dois à Jean-Marc. C'est une décision de justice. Je la respecte. Je vais verser les 7 566 € et les frais de justice. Alors, le problème, c'est qu'il faudra encore attendre un petit peu pour ce remboursement. Parce que Monsieur Guédioni m'a expliqué qu'il avait en ce moment des soucis financiers. Bonne nouvelle quand même, il attendrait une forte somme d'argent de la part de son assurance, car il aurait eu un accident de moto non responsable en octobre dernier. Encore si un. À chaque fois que j'avais entendu depuis maintenant 19 ans, j'attends une grosse rentrée d'argent, Carla Bruni ou Monica Bellucci avaient dîné avec moi, je pèserais 650 kilos. Mais bon, attendons, mais il a quand même touché de l'argent qu'il n'aurait pas dû toucher, celle de l'argent de l'assurance. Oui, alors d'autant plus que quand même pour alourdir un peu ce dossier déjà costaud, il avait payé, figurez-vous Monsieur Guidioni, avec un premier chèque de 1 500 €, et figurez-vous que ce chèque provenait d'un carnet, de chèques, qui était au nom d'un compte d'une société qui était clôturée depuis au moins 4 ans. Mais il y a la totale, là je veux dire, déjà, là on est dans le pénal à mort. Hein. Exactement, ça justifie déjà une plainte pénale. Et en plus, maintenant qu'il fait des chèques sans provision, si ce chèque est représenté, il sera interdit bancaire. Ah, mais c'est ce que doit faire Jean-Marc. Il faut le faire effectivement de façon à ce que ce monsieur prenne ses responsabilités. Jean-Marc, vous le représentez une nouvelle fois et on espère que monsieur Guédioni va prendre contact avec vous. Je vous écoute Jean-Marc. Et la remise de chèque, je suis en train de la faire au moment où on se parle. Ah ben c'est parfait, parce qu'à un moment donné, il n'y a que ça qui pourra le contraindre à comprendre qu'on ne peut pas toucher l'argent de l'assurance et de ne pas le donner au mécanicien. On va se retrouver dans quelques instants, voilà. Alors je le dis, c'est vraiment, en 2019, il n'y aura plus de chance. Voilà. En tout cas, il y en aura très peu. J'ai pris la décision vraiment une fois de temps en temps. Mais là, c'est Noël, c'est mon cadeau et après, on solde tout. Je le dis à ceux qui disent, oh, ils chantent quand même beaucoup, vous avez raison, j'ai fait mon mea culpa. 2019 sera une nouvelle année, mais là, comment faire ? Comment ne pas dire ? La moto était cassée, il fallait la réparer. Guédioni aussi. L'assurance a bien payé, le motard a tout gardé. Guédioni aussi. Il a voulu nous calmer, il a sorti le chéquier. Guédioni aussi. Mais l'argent, il n'y en avait plus. L'auditeur, là dans le cucu. Guédioni aussi. Allez, c'est la dernière. Jean-Marc, ne vous inquiétez pas, on se tient au courant, on attend que M. Guédioni nous rappelle. A tout de suite sur RTL, bonne fête. RTL. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Que vous faites, Patrice ? Attendez, je vais au bout des doigts. C'est la première interprétation par Rachmaninoff au cas où. Au bout des doigts, c'est un film sur le piano avec Christine Scott Thomas et Lambert Wilson. Ils viendront en parler dans La Bonne Heure. Et sur le piano, vous êtes sûr ? Il n'y a pas de casou dedans ? Mais non ! Oh, c'est dommage. Christine Scott Thomas et Lambert Wilson sont les invités d'À La Bonne Heure. Et à La Bonne Heure, c'est à 11h sur RTL. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Tu sais, à ton âge, j'avais le droit à une clémentine pour Noël. À ce prix-là ? Mais je sais pas, on peut radin tes parents ? Dès aujourd'hui, les clémentines corses sont à seulement 2,45€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété fine de Corse, calibre 2-3, catégorie 1, origine France. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga en vie pour Noël d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15€ de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensations 50 gigas et plus. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Picard. Le moment du dessert. La bûche chocolat vanille et son croustillant praliné. La version pâtissière et sa mousse au café. Ou le sorbet coco citron vert sous sa meringue légère. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant ce réveillon, je compte bien me faire plaisir. En ce moment, chez Picard, laissez-vous surprendre par notre collection de 23 bûches glacées et pâtissières en édition limitée et passez Noël sous une bonne étoile. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ce week-end, les amis, rendez-vous avec vos champions sur beIN Sport. Au programme du grand football, avec en exclusivité le multiplex des 10 matchs de Ligue 1 Conforama. Neymar pour Kylian Mbappé. Toutes les rencontres de la Domino's League 2 avec Lens Ajaccio et le choc Juventus AS Roma en Serie A. Un but signé Cristiano Ronaldo. Sans oublier le combat de boxe Jermall Charlo, Willie Monroe et la NBA en exclusivité avec Atlanta Détroit. Pas de week-end sans champion, pas de week-end sans beIN Sport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beIN Sport.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, c'est la fin. Des haricots ? Ah bah mais non, au contraire, pour eux ça ne fait que commencer. Aujourd'hui et demain chez Lidl, les haricots verts sont à 1,99€ le sachet de 500 grammes. 1,99€ le sachet de 500 grammes de haricots ? Je suis vert. Tu me racontes pas des salades au moins ? Bah non patron, hein, c'est le vrai prix. Ah oh, on est vraiment mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 3,98€ le kilo, catégorie 1, origine Kenya ou Guatemala. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes vendredi 21 décembre. J'en profite pour vous dire que le 12 janvier, c'est un samedi soir. Ah, une alerte, que se passe-t-il ? Oui, on revient sur le cas de Laurent et le poil à granuler, Julien. Oui. On a donc Damien Chiron, le commercial, le contact. Oui, alors bonjour monsieur Chiron, c'est pour le cas de Jean-Marc, vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Bon, je ne vais pas vous embêter longtemps, monsieur Chiron. Simplement, comme ça ne bouge pas, et je pense que c'est la meilleure des solutions, vous en conviendrez, c'est nos amis de demandezjustice.com qui vont lancer l'assignation pour que tout le monde aille s'expliquer devant un juge, et comme ça, on n'en parle plus. C'est un peu dommage, parce que je pense qu'il y avait une occasion de se mettre d'accord autour de la table entre Céramir, vendeur du poil, ensuite la société Fire, je ne sais plus son nom, qui est venu réparer. Mais attendez, monsieur Corbet, oui. Avec tout le respect que je dois, mais je pense que votre médiateur est notre collaboratrice. Non ? Oui, j'ai eu Alexia, la direction technique, mais qui a donné des informations. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, vous voyez avec eux et pas avec... Non, c'est Céramir qui va être... Non, monsieur, en première ligne, juridiquement, c'est Céramir, voilà, c'est pas du tout... Vous êtes expliqué avec le médiateur, avec le médiateur et Alexia, en l'occurrence... Non, mais monsieur, je vous explique. Il a acheté. Excusez-moi, monsieur, écoutez-moi. Juste pour expliquer aux auditeurs. Je vous remercie. Monsieur, écoutez-moi. Voilà. Voilà comment on traite. Mais sans moque, Céramir. Voilà, Céramir explique comment il traite le client. Nous sommes le miroir. Nous leur avons donné la parole. Il dit au revoir. Voyez avec celui qui répare. Mais celui qui répare n'a rien à voir là-dedans. La garantie, elle est chez Céramir. Et voilà ce qui se passe. Si vous achetez chez Céramir votre poêle à bois, il vous dira voyez avec l'autre société. Tant mieux que ça se passe comme ça, parce qu'au moins, on pouvait croire à un moment donné que Laurent pouvait aussi, voyez, couper les cheveux en quatre. Voilà comment ça se passe. Il nous raccroche au nez, c'est son droit le plus absolu. Donc, demandezjustice.com, et je tiens vraiment, parce que c'est important, JB, à ce que vous nous fassiez des points réguliers qu'on donne. Là, on va faire une spéciale très prochainement, qu'on donne les résultats de ces procès pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Alors, ça sera traité en 2019. Il faut que Laurent nous fasse confiance. Le dossier sera transmis cet après-midi. J'ai le point là, un petit peu de ce qui s'est passé en 2018, comme l'année se termine. 785 cas traités dans l'émission en 2018. 785. 747 ont été réglés sur 785. 15 sont partis dans les mains de demander justice. 23 pour l'instant ne sont pas réglés. Donc 785 cas traités, 747 réglés, 23 n'ont pas pu être réglés. Voilà, les équipes se battent tous les après-midi. Je voulais leur rendre hommage et leur dire bravo. Ils vont continuer, bien sûr, en 2019. 2019, où je vous donne, pour rire un peu parce qu'on en a besoin, rendez-vous au Casino de Bordeaux. C'est le 12 janvier, Casino Barrière à Bordeaux-Lac, où on va faire un super one-man show pour tous les Bordelais. Et le lendemain, on partira à Tarbes, au 7. Vous écoutez Julien Courbet sur RTL. Et voici Sia Santa's Coming For Us. Nights are getting short and our hearts are clear. Fills the air and Christmas cheered us too. Picking out your Christmas tree so loudly. The joy this time it brings to you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Chanson de Noël, Sia sur RTL. Santa's coming for us. Il est 10h36, voici l'enquête de Charlotte. Charlotte, comme souvent, le vendredi, vous vous intéressez à un point précis, lequel ? Eh bien, dans trois jours, c'est Noël et vous allez peut-être faire vos courses ce week-end pour préparer vos repas. Je voulais vous alerter sur quelques produits que vous pourriez acheter, mais dont l'étiquetage est un petit peu trompeur. Je suis allée dans un supermarché pour vous concocter un petit menu. Vous pouvez retrouver les photos des produits sur la page Facebook de l'émission. On commence avec un petit apéro. Je prends une belle tartinade de traiteur selon l'étiquette, un surimi crabe. Je regarde la liste des ingrédients. On a d'abord donc de l'huile de colza, puis lit-on une préparation à base de chair de poisson. Après ça, du sucre, du sel, des exhausteurs de goût, des colorants, etc. etc. Et tiens, du crabe à hauteur de 4%. Pour un produit qui s'appelle surimi crabe, c'est quand même très peu. Dans le même genre, on a des suprêmes au goût frais de crabe, dans lesquels, eh bien, il n'y a pas de crabe du tout. Ça, c'est énorme. Je vous propose aussi des olives noires à la grecque selon mon bocal, mais quand on retourne le pot, on lit « produit au Maroc ». En entrée, ça sera des escargots. Des olives de grecques, oui. Produites au Maroc. Produites au Maroc, tout à fait. Vous avez les photos sur Facebook. En entrée, je vous propose des escargots de Bourgogne, mais en fait plus hongrois que bourguignons. Et pour le plat principal, des moules farcies avec une belle carte de France sur l'emballage. Mais quand on retourne le produit, on s'aperçoit que ces moules ont été élevées au Chili, Même constat chez les coquilles Saint-Jacques à la Bretonne. Selon le paquet sur lequel vous tombez, vos coquilles proviennent d'Amérique du Sud, d'Islande ou de Russie. Une touche sucrée pour la fin, une belle bûche glacée qui contient des dérivés d'animaux, un additif issu d'insectes. Cet exemple-là, il a été relevé par l'association Foodwatch qui a lancé une campagne appelée Arnaque sur l'étiquette il y a 5 ans. Sa responsable, Megan Gorbani. Il y a encore aujourd'hui beaucoup trop d'arnaques sur les étiquettes dans les rayons des supermarchés. Ça concerne effectivement tous les produits industriels, que vous preniez du chic, du pas cher, des labels, du bio. Parfois on a du made in France. En fait, les arnaques sur les étiquettes, elles concernent vraiment tous les produits et tous les budgets. On interpelle les industriels et souvent aussi les autorités pour leur demander de faire changer ces pratiques et d'arrêter d'induire en erreur les consommateurs. Rien que sur l'année 2018, nous, Foodwatch, on a réussi à faire changer 5 fabricants qui ont, suite à nos campagnes, décidé un changement sur leurs produits. Donc ça fonctionne de se mobiliser, notamment via les pétitions lancées par Foodwatch. Dernier succès en date, une soupe poule vermicelle sans poule à l'intérieur va très bientôt disparaître des rayons. Et là, on peut interpeller le ministre de la Consommation. Alors attention, hein, quel que soit le ministre de la Consommation, que ce soit ceux de droite, ceux de gauche, vous savez qu'on ne fait pas de politique, mais il faut vraiment qu'à un moment donné, ça ne soit plus possible d'annoncer qu'il y a du crabe quand il n'y en a pas, d'annoncer que ce sont des olives de Grèce, alors que sur l'étiquette en tout petit, on ne peut plus. Enfin, ça me paraît tellement être évident et le béaba que je ne comprends pas que ça puisse encore exister, qu'il n'y ait pas des amendes, mais incroyable. Ça existe, Julien. Hein, c'est l'article 441-1 du Code de la consommation. Et c'était le délit de tromperie. Et effectivement, on risque d'abord une peine d'emprisonnement de 2 ans et jusqu'à 300 000 euros d'amende. Et figurez-vous que c'est encore une fois grâce à la DGCCRF qu'on arrive à poursuivre ces indélicats et à les faire condamner parce que, et c'est grâce au départ à la plainte d'un consommateur à la DGCCRF. C'est dur à dire. Que c'est difficile. J'en profite pour vous dire. Je crois que c'est aux alentours, il y a un dimanche qui tombe à un 7 janvier, quelque chose comme ça. Vous avez, je vous assure, un capital qui sera certainement l'émission de l'année sur le gaspillage. Gaspillage alimentaire, gaspillage dans les vêtements, puis c'est un troisième dont je ne peux pas vous parler pour l'instant parce que c'est un peu secret. Mais ce que vous allez voir est tout simplement, j'en ai vu un peu hier, hallucinant. Ça vous rend fou, vous avez envie de casser votre téléviseur quand vous voyez ces tonnes de nourriture partir au broyeur, ces vêtements neufs partir au broyeur, un truc de dingue. Dimanche 6 janvier, Julien. Merci beaucoup Bernard, à tout de suite. Monoprix. Tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant, n'est-ce pas? Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pétille le plus fort. C'est Noël chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle, 40% de réduction avec la carte pour l'achat de 6 bouteilles sur tous les champagnes Monoprix gourmets jusqu'au 31 décembre seulement. Monoprix, conditions de l'offre et de la carte en magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Père Noël, je voudrais plein de chocolat pour moi, papa, maman et mamie. Oh oh, j'ai rempli ma hôte de coffrets Réhout et chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recettes artisanales et coffrets à partir de 8,60€ seulement. Réhout et chocolat, fabricant chocolatier français. Goûtez, vous verrez. Pour votre santé, évitez de grignoter. Faites les fêtes chez Géant et soyez élu Père Noël de l'année. Jusqu'au 24 décembre, pendant les heures géantes, de 11h à 13h et à partir de 17h, profitez de remises jusqu'à moins 50% sur tous les jouets. Oui, jusqu'à moins 50% sur les jouets pendant les heures géantes. Joyeuses économies à tous chez Géant. Remise sous forme de bon d'achat. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. C'est le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. France 2. Nous déclarons cette demi-finale ouverte. Du talent, ils en ont dans la voix, dans les jambes ou au bout des doigts. Prodige, saison 5, la demi-finale. Présentée par Daphné Burki, demain soir à 21h sur France 2. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Oh, c'est alléchant. Chez Lidl ? Mais quoi encore ? Ben les litchis. Aujourd'hui et demain, les litchis frais en vrac sont à un prix alléchant. 2,79€ le kilo. Les litchis frais en vrac à 2,79€ le kilo chez Lidl ? C'est pas vrai. Ah chichi, chez frais est vrai. Et ils sont à s'en lécher les babines, hein. C'est litchis en vrac origine Madagascar. M'agace pas, car tu pourrais te retrouver en vrac toi aussi. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Origine Madagascar. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous continuons dans cette émission spéciale à tenter de faire avancer les dossiers qui ont bloqué en 2018. Et nous allons revenir sur celui de Louis qui est passé les 5 et 6 décembre. Écoutons ce que nous avait dit Louis sur l'antenne RTL. Je vous appelle de Paris. Je suis directeur artistique dans une entreprise d'architecture d'intérieur et de scénographie. Et j'ai réalisé le design et la fourniture lumière d'un nouveau club de nuit. Malheureusement, on me doit toujours 8 700 €. Alors nous avions, Charlotte, appelé ce patron que nous connaissions déjà. Parlons déjà des précédents cas avant d'avoir celui de Louis avec ce monsieur. C'était Catherine qui était passée en septembre 2016. C'était une graphiste qui n'avait pas été rémunérée pour le travail fourni. Elle était passée plusieurs fois à l'antenne. On avait interpellé cette société et son gérant, M. Frisch, et elle avait fini par être payée au bout de quelques mois. Alors, les conséquences, c'est qu'il fait partie d'une TPE qui n'a pas beaucoup de budget. Louis, et se trouve dans la trésorerie nuit à la santé de son entreprise. On a eu ce M. Frisch, le gérant, notamment des établissements Nuit Fauve et le Wanderlust. Mais il a vite raccroché. Charlotte, où en est-on, s'il vous plaît ? Eh bien, depuis, nous avons reçu un mail de l'avocat de cette société qui nous dit la chose suivante. Monsieur Louis de Castro est intervenu lors de votre émission afin de faire état d'une facture qui serait impayée par notre client d'un montant de 5 400 €. Or, cette somme n'apparaît pas en comptabilité. Nous invitons la société Interface Production à nous communiquer l'ensemble des pièces justificatives. À réception de ces documents, notre client s'engage à faire part de sa position dans un délai de 8 jours et à procéder, le cas échéant et sans délai, au règlement des sommes non contestées. Toutefois, vous devez savoir que la société Wanderlust a rencontré de très nombreuses difficultés au titre des prestations réalisées par la société Interface Production. Donc là, je vous passe les détails. Nous vous précisons que notre client privilégie le mode de communication écrit. Alors, ça, on va reprendre point par point. Déjà, Louis, est-ce que vous aviez fait passer une facture à la société de M. Frisch ? Bonjour, Léon. Bonjour à Louis. Évidemment, oui, bien sûr, on leur a envoyé tous les documents nécessaires, absolument. Donc là, il semble dire que votre facture n'apparaît pas en comptabilité, c'est ce que j'ai compris, Maître Felloneau ? Oui, ça a l'air d'être le cas. Alors moi, ça, la facture, je ne sais pas. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'est d'avoir les devis signés, ce qui est le cas. Il y a eu deux devis, un devis pour la prestation intellectuelle, la création pure, et puis après un autre devis pour la location du matériel. Il parle de facture, l'avocat. Alors, et après, effectivement, il y a eu des acomptes qui ont été envoyés, et il y a eu des factures aussi, et sur le fait que ça n'ait pas bien travaillé, et on va écouter notre ami. Justement, il dit qu'ils ne sont pas contents de votre travail. Comme ce monsieur favorise l'écrit, d'après son avocat, et il a bien raison, parce qu'on ne peut que favoriser l'écrit, avez-vous reçu une lettre de monsieur Frisch, de Wanderlust ou du club NF34, disant que vous aviez mal travaillé ? Malheureusement pas, je n'ai rien reçu. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai, comme on fait toujours, pris des photos, on a des témoignages. Alors, du fait que nos prestations sont tout à fait Louis, de bonne qualité. Vous allez écrire une lettre recommandée à M. Frisch qui nous donne rendez-vous dans 8 jours. Donc ça veut dire que lorsque nous allons revenir le 31, nous allons le rappeler, ou le 3 ou le 4. Dans cette lettre recommandée, vous allez lui remettre la facture. Dans cette lettre recommandée, vous allez lui dire « Je n'ai pas de trace, vous qui favorisez l'écrit, d'une lettre de votre part me faisant des remarques sur mon travail. » Voulez-vous, s'il vous plaît, me dire quand vous avez envoyé cette lettre recommandée ? Je n'ai rien, donc si il n'y en a pas, merci de me payer. Nous rappellerons donc M. Frisch qui favorise l'écrit. S'il favorise l'écrit, je ne comprends pas qu'il ne vous ait pas envoyé une lettre en vous disant qu'il n'était pas content de son travail. Il n'y a même pas un petit texto, rien ? Rien du tout. Non, justement, j'ai eu des messages me disant qu'il trouvait ça fantastique. Si vous pouvez, lui qui favorise l'écrit, lui envoyer également, je vous fais passer... Vous les avez gardés ? Oui, bien sûr. Je vous fais passer les écrits de M. Frisch qui trouve que mon travail est fantastique. Voilà. On fait comme ça, Charlotte ? Oui, il y a autre chose aussi. Hein. L'avocat parle d'une somme de 5 400 €. C'est pas du tout la somme due, selon Louis. C'est 8 700. Mais de toute façon, que ce soit l'avocat Monsieur Frisch, Julien Courbet ou n'importe qui, la somme, c'est celle du devis. Voilà, il y a eu un devis de fait. Donc apparemment, il n'y a aucune lettre. Vous pouvez faire un devis en disant vous allez me changer les pneus, la portière et le rétroviseur. Il y en a pour 8 000. Si effectivement vous envoyez une facture, mais que vous n'avez changé que les pneus, dans ces cas-là, normalement, vous recevez un courrier en disant dis donc Coco, 8 000, c'est pour les pneus, les rétroviseurs et la porte. Tu n'as changé que les pneus, donc ça ne sera que 3 000. Mais là, il n'a rien envoyé, Monsieur Frisch. Il a envoyé juste un texto d'après, je dis bien d'après ce que nous dit Louis, disant que le travail est fantastique. Donc envoyez cette lettre commandée, je vous en supplie, aujourd'hui, que l'on puisse rappeler tout le monde, y compris l'avocat s'il le souhaite, début janvier, Maître Felloneau. Oui, effectivement. Et alors, envoyez-le par courrier, parce que tout s'est fait par mail, effectivement, j'ai les factures sous les yeux. Voilà, envoyez un trace-papier recommandé à R, comme ça il aura une facture en original, il remettra à son comptable et il pourra la régler. Il n'y aura plus de problème de ce côté-là, ça en fera un de moins. Rendez-vous tout début de 2019, Louis. D'accord ? Fantastique. Merci. Je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve. Voilà, le rendez-vous est pris par Charlotte. Dans une seconde, nous allons faire le point avec vous. Au revoir, Louis. Avec vous, JB, sur cette grande aventure qu'est le refuge de Montgeron. Nous allons vous raconter tout ce qui s'est passé. C'était pile il y a un an, d'ailleurs, hein, puisqu'ils ont tout saccagé le soir de Noël. C'était le jour de l'an, je crois. Le jour de l'an. Mais bien, écoutez, nous allons voir ça. À tout de suite, puisque nous avons décidé de construire carrément un laboratoire pour que les vieux toutous, qui sont parfois, je le redis, jetés par-dessus le mur, parce que les gens ont honte de sonner et de dire j'abandonne mon chien. Donc non seulement le chien est abandonné, mais on le jette par-dessus et on lui casse une petite patte au passage et il faut le soigner après. Et au refuge de Montgeron dont je suis le parrain, on ne pique pas les animaux, on les soigne. Donc on a eu un mouvement de solidarité énorme et on fait enfin le point en cette fin d'année. Change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est le panier de fruits de Pauline qui change. Avec le litchi origine Madagascar à 2,79€ le kilo. 2,79€. Pauline, le litchi, c'est le punk de la famille des fruits. Il est bizarre, original et on n'en croise pas tous les jours. Goûte, tu verras. Jusqu'à ce soir seulement, vos magasins Auchan, Maille Auchan et Adepa proposent le litchi origine Madagascar à 2,79€ le kilo. Et votre panier de fruits change. Auchan. Catégorie 1. Depuis plus de 60 ans et partout en France, les compagnons bâtisseurs construisent les fondations d'une société plus juste et solidaire. Ils viennent en aide aux personnes les plus fragiles et rénovent avec elles leur logement. Grâce à ces milliers de chantiers solidaires, ils reconstruisent l'espoir et font bien plus que rénover des bâtiments, ils restaurent des vies. Faites un don en vous rendant sur compagnonsbâtisseurs.eu. On a tous droit au meilleur des Noëls avec Carrefour Market. Mais regardez-moi ces beaux poissons. Ils sont pas magnifiques ces dos de cabillaud, Michel? Oh, je les préparerais bien avec un gratin dauphinois. Ça sent bon les fêtes, ça. Et si ça vous tente, jusqu'à ce soir chez Carrefour Market, le dos de cabillaud sélectionné par nos poissonniers est à seulement 14,90€ le kilo. Bien sûr que ça me tente. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, c'est moins 10% sur toute la poissonnerie sur votre carte fidélité. Bon, allez hop hop hop, emballez, c'est pesé, je pars avec. Carrefour Market. Échéant en Atlantique Nord-Est, modalité sur carrefour.fr. Cyril, pourquoi tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest? Mais parce que c'est divin. Et puis foie gras, ça va avec Sud-Ouest, c'est comme ça. IGP, Canara foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre. Ah, le patron? T'es chez Lidl? Ah oui. Et ce dimanche, ils font moins 20% sur tous les produits de luxe. Foie gras, mini bouchées, saumon. Moins 20% sur la gamme de luxe. Et c'est pas tout. Il y a aussi moins 20% sur les chocolats favoris. Dimanche, c'est ça? Ah, c'est ça. J'en profite pour acheter des chocolats pour notre fête de Noël. Ah, bah t'es plus invité. Mais tu me laisseras les chocolats sur mon bureau? Non. Supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ce week-end, les amis, rendez-vous avec vos champions sur beIN Sport. Au programme du grand football. Avec en exclusivité le multiplex des 10 matchs de Ligue 1 Conforama. Neymar pour Kylian Mbappé! Toutes les rencontres de la Domino's League 2 avec Lens Ajaccio et le choc Juventus AS Roma en Serie A. Un but signé Cristiano Ronaldo. Sans oublier le combat de boxe Jermall Charlo Willy Monroe et la NBA en exclusivité avec Atlanta Détroit. Pas de week-end sans champion, pas de week-end sans beIN Sport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beIN Sport.com. Chérie, devine où je t'emmène pour Noël. Au ski? Non, je t'emmène chez Netto, vite, une alerte discount. Aujourd'hui, la bouteille de champagne Jean d'Albret est à 9,98€. Netto, le discounter qui fait la différence. 75 centilitres, soit 13,31 euros le litre, magasin participant sur netto.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il y a quasiment un an, jour pour jour, le refuge de Montgeron, qui est tenu uniquement par des bénévoles, à qui il manque 19 euros pour en avoir 20, qui avec des bouts de ficelle s'occupe d'animaux qui sont abandonnés dans des petits algécos qu'ils ont aménagés, etc. Le soir de Noël, quelques abrutis viennent, passent par-dessus le mur, prennent les extincteurs, cassent tout. Il n'y avait rien à voler de toute façon, hein, puisqu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'argent. Et en plus, vide les extincteurs sur les animaux. La catastrophe absolue. Nous décidons de prendre le dossier en main. Grâce à vous, et vraiment grâce à vous, plus qu'RTL, grâce à vous, nous récoltons des dizaines de milliers d'euros. Avec ces milliers d'euros, nous allons payer des vétérinaires qui vont venir soigner ces animaux. Avec ces milliers d'euros, nous avons pu acheter tout de suite des niches, tout ce qui avait été cassé, vandalisé. Mais nous avons décidé d'aller plus loin, de fabriquer une sorte d'infirmerie digne pour que ces chiens, lorsque le véto vient, soient soignés dans de bonnes conditions avec des bons médicaments. Où en est-on de cette véritable construction, hein, fondation, mur, toit ? Oui, mais alors Julien, effectivement, une véritable construction. On était hors d'eau, hors d'air depuis cet été. Depuis, ça avançait plus beaucoup, il fallait reprendre des rendez-vous, il y avait quelques petits soucis à régler. Eh bien, ces soucis sont réglés et les travaux ont repris manu militari cette semaine. Nous avons un plaquiste qui est pied d'œuvre là-bas avec son équipe, il s'appelle Manuel Noguera. Son entreprise, c'est Aubry Noguera, il est situé à Crône, dans le 91. Il a été fourni par l'entreprise Pakisol 94, qui est située à Valenton. Bravo également à Luc Colson et à son équipe, il est électricien, il est à Limay. C'est lui qui fournit toute l'électricité, qui tire tous les câbles, tous les fils. Bravo à lui. Bravo également au plombier Éric Bascoulergue de Chevrouille dans le 77. Et bravo au maçon Alexandre Marquez de MRH qui a quelques petites choses à faire aussi. Il y a une petite chape à refaire. Il y a pas mal de choses à faire pour que ça puisse se terminer. Donc tout va bien. On avance. On devrait pouvoir le terminer dans les semaines qui viennent. Allez, on espère. On essaiera de faire un direct. Hervé sera là-bas. J'essaierai d'y aller aussi. Mais il faudra vraiment le faire parce que c'est le moins que l'on puisse faire. Vous avez donné généreusement. Vous devez être sûr que l'argent que vous nous avez donné existe vraiment. Vous verrez des photos et des films. Bravo à vous tous. Ça a été l'un des plus grands moments de cette année 2018, cette mobilisation des auditeurs d'RTL. On est fiers de vous. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here. Alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. 'Cause I need a green light. Day and night, say that you're mine. 'Cause I need your green light. Day